me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quand apparaissent les maisons à atrium à Pompéi? Quelle est l'évolution urbaine de la cité commerçante campanienne entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère? Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique, présente l'état des recherches sur l'archéologie de l'artisanat à Pompéi dans le cadre de sa série de cours intitulée « Le développement urbain de Pompéi de la fin du 7e siècle avant Jésus-Christ à l'an 79 de notre ère ». Dans les trois premiers cours, il nous propose de revenir sur l'histoire de la ville et son évolution urbaine avant l'irruption de 79 qui engloutit la cité florissante. Nous entrons dans les maisons, nous découvrons le style pompéien, le rôle des villes comme débouchés, comme marchés. L'archéologue montre des écrits de Cicéron aux vestiges de Pompéi comment la compétition entre aristocrates, riches propriétaires au rôle politique, s'affirme par le faste et le luxe des demeures et des apparences. Mais l'historien avertit, le rôle social et politique ne doit pas occulter les fonctions économiques. Nous découvrons en façade des maisons pompéiennes les boutiques et ateliers de part et d'autre de l'entrée. Comme il se doit dans une ville romaine, émergent aussi et se transforment les grands bâtiments publics, temples, premières palestres, les thermes, le marché avec ses boutiques, le théâtre. L'archéologue ouvre dès qu'il le peut le regard au-delà du cœur de la ville. Nous découvrons aussi l'exploitation des terres agricoles, le trafic du vin. Nous nous familiarisons depuis hier avec les questions posées par les datations, la technique des sondages, les débats, les apports et les manques d'une fouille à l'autre entre les premières approches archéologiques, hier et celles d'aujourd'hui, où les fouilles d'urgence, en ne permettant pas à l'archéologue de choisir son terrain, d'interroger d'autres pans d'histoire où se nichent les découvertes liées à l'évolution économique et sociale de la ville. Dans une interview pour La Vie des idées, Jean-Pierre Brun rappelle, et je le cite, « En ce qui concerne l'Antiquité, nous avons perdu la plus grande part de la documentation écrite. Nous avons perdu la totalité des archives, notamment les comptes. Il est donc très difficile de reconstituer la vie économique. Savoir où allaient les flux commerciaux, comment se développait la production et quel était le niveau de population. » On en a quelques idées car des sources nous ont transmis quelques chiffres, mais ces chiffres sont isolés. Il y a donc tout un pan de l'histoire antique qui nous échappe complètement du fait de la disparition de ces écrits. La seule façon de compenser ce manque, c'est de multiplier les fouilles archéologiques et d'essayer de créer des séries qui nous manquent aujourd'hui. Il peut s'agir des séries d'installations agricoles qui nous permettent de déceler des phases d'essor ou de déclin de telle production ou de telle région. Jean-Pierre Brun note encore que pour faire parler les vestiges archéologiques, il faut leur poser des questions, de bonnes questions avec les bonnes méthodes pour comprendre. Aujourd'hui, nous retrouvons Pompéi dans la période hellénistique récente du IIe siècle. Nous la retrouvons dans l'alliance avec Rome. La ville se développe dans l'organisation politique de la Respublica Romana jusqu'à la guerre sociale de 89 avant Jésus-Christ. La cité se révolte contre Rome qui lui refuse les droits civiques. La ville porte dès lors les traces du siège des troupes de Lucius Cornelius Sylla en 89. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 11 octobre 2016 pour le cours de Jean-Pierre Brun, le développement urbain de Pompéi entre le 3e et le 1er siècle avant notre ère. Deux autres maisons ont fait l'objet de polémiques parfois séculaires. La Casa del Chirurgo, dans la région 6 Insula 1, et la Casa di Amarantus, dans la région 1. La Casa del Chirurgo était considérée par Giuseppe Fiorelli comme l'une des plus anciennes de la ville, et il l'a datée du 5e siècle. Au contraire, Auguste Mao en faisait descendre la datation dans le 3e siècle, dans son ouvrage sur Pompéi, bien connu. Mais l'un et l'autre, sans autre argument que leur flair. Pour résoudre cette question de chronologie, la maison a fait l'objet de sondages profonds d'Amedeo Maiori en 1929. Selon Maiori, la façade aurait été construite avec des blocs récupérés dans des monuments anciens et notamment lors de la destruction de la muraille à orthostate, donc selon lui au cours du 4e siècle avant Jésus-Christ, et il daterait donc la construction de la maison de cette période. En fait, les méthodes de fouilles d'Amedeo Maiori ne permettaient pas d'observation précise ni d'interprétation incontestable. Et l'étude du mobilier archéologique, notamment la céramique trouvée dans les couches, manquait de rigueur et de précision. La date de la construction de la maison est fondée sur le comblement d'un puits qui serait recouvert par le sol primitif de la pièce qui est dans son sondage 3 et date cet ensemble du 3e siècle. Mais il n'était pas sûr, et nous encore moins, que le puits ait appartenu à une phase plus ancienne que la maison, et par ailleurs, la datation du comblement fait elle-même problème, puisqu'il contiendrait des balsamères en verre, ce qui repousserait son comblement au mieux au début du 1er siècle après Jésus-Christ, ce qui est impossible. Il y a donc eu des erreurs de fouilles, et nous ne pouvons pas tenir compte de ces données. Les sondages récents réalisés par l'équipe anglo-américaine Anglo-American Project in Pompeii, dirigée par Rick Jones et Damian Robinson, montrent que sous la maison du chirurgien, il y a un ou plusieurs murs en opus africanum associés à un fragment de lampe en usage au 3e et 2e siècle, et la tranchée de fondation de la façade en grand appareil contenait une monnaie datée entre 214 et 212, ce qui repousserait la construction de la façade à l'extrême fin du 3e siècle plus tôt. Bien qu'il y ait un décalage de près d'un siècle entre l'abandon et le démantèlement partiel de la muraille à orthostate, un tel écart me semble encore possible. La situation est différente pour la maison d'Amarantus, en région 1 insula 9. La façade est analogue aux autres, mais les fouilleurs, dirigés par Michael Fulford et Andrew Wallace-Adrill, ont observé que la tranchée de fondation, donc de la façade en grand appareil, coupe des niveaux contenant une lampe et de la céramique du 1er siècle avant Jésus-Christ, ainsi qu'une monnaie d'Apamée des environs de 50 avant Jésus-Christ. Ils en viennent donc à dater la construction de la maison du règne d'Auguste en discordance avec ce que l'on sait de l'évolution des techniques constructives. Cette contradiction a été fortement soulignée par Fabrizio Pesandro dans son article « Pompei in età sannitica, tipologia, uso e cronologia delle tecniche edilizie » paru en 2013. D'une part, Fabrizio Pesandro trouve invraisemblable que les techniques constructives telles que l'opus quadratum, opus africanum, étaient encore employés près de 200 ans après leur floruite, et d'autre part, il remarque que le sol en opus signinum à tesselle blanche associé au mur ancien de la maison est similaire à ceux de la seconde moitié du 3e siècle. Pesandro émet donc l'hypothèse d'une erreur non de fouille, mais d'interprétation de la tranchée qui pourrait correspondre en fait non à la construction du mur, mais à une phase de réfection qui, elle, daterait de l'époque augustéenne. Je pense qu'il a raison sur ce point. La maison d'Amaranthus cesserait alors d'être une anomalie, mais elle perdrait toute datation fondée sur la stratigraphie. Les quelques autres maisons du IIIe siècle, dont on connaît les linéaments, sont assez luxueuses, car dotées de salles à banquet inspirées de modèles grecs. Par exemple, sous l'atrium de la maison plus tardive des formes des Crêtes, dans la région 7, c'est-à-dire au cœur même de Pompéi, immédiatement au nord du Forum, ainsi que sous la tannerie de l'îlot 1-5. Le plan de ces maisons n'est pas du type atrium, mais dérive du modèle grec de maisons à portique sur cour, que l'on appelle les maisons à pastas. Et certaines étaient décorées de peintures d'un style inconnu jusqu'ici, que j'ai proposé d'appeler le style zéro, car antérieur de près d'un siècle au premier style pompéien. Ce type de décor a été trouvé à la fois dans la maison qui précède la tannerie de l'îlot 1-5 et dans un remblai, enfin des fragments ont été trouvés dans un remblai de la protocase del Centauro. Mais nous reviendrons sur ces questions lorsque nous examinerons en détail la fouille de l'îlot 1-5. De cette phase dateraient aussi un certain nombre de maisons de la région 6, récemment fouillées par les équipes dirigées par Filippo Coarelli et Fabrizio Pesante. Parmi les plus anciennes serait la Casa del Naviglio, qui a été publiée en détail dans la série Rileggere Pompei, en 2006 dans les études de la surintendance archéologique. Cette maison présente une construction soignée, un opus collatum de façade et opus africanum à l'intérieur, et se dessinent donc des pièces autour d'une cour sans impluvium qui est interprétée comme un atrium. La datation est fondée sur l'utilisation des blocs récupérés lors de la démolition de la muraille à orthostate, donc à partir du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais sans autre précision. En revanche, dans la Protocasa del Centauro, région 6, insula 9, nous nous trouvons avec une entrée qui donne sur un atrium avec trois pièces ouvrant sur celui-ci, un plan donc presque classique. Le tablinum sous l'impluvium avait un sol bordé d'une bande d'opus signinum décorée de points et d'une mosaïque au centre. Selon Coarelli et Pesando, à partir du milieu du IIIe siècle, il existerait donc déjà des maisons à atrium toscan occupées par l'élite urbaine, voisinant avec des maisons à atrium testidunatum et avec des maisons jumelles qui sont reliées par un atrium partagé. D'abord réservées à l'aristocratie foncière, les maisons à atrium toscan se démocratiseraient dès la fin du IIIe siècle. La protocase, avec son grand appareil et déjà son atrium, et donc la protocase del Granduca Michele, dans la région 6, insula 5, aurait appartenu à une famille de rang moyen. En effet, un seul rang de pièces ouvre sur l'atrium toscan, simplifié, et les sols sont en terre. Ils ne seront remplacés par des sols en opus signinum que vers 150 avant notre ère. Cette dernière présente une construction soignée, cette dernière maison, donc avec encore une façade en opus collatum et des murs internes en opus africanum. Toutefois, en l'absence de publication précise du mobilier associé aux fondations, et au niveau d'occupation de ces maisons, on ne peut discuter toutes ces datations. Paradoxalement, à Pompéi, nous nous heurtons à la rareté des contextes stratigraphiques clairs et à la difficulté de datation à partir de la céramique, qui est imprécise en elle-même et en particulier pour les 4e et 3e siècles. Et nous nous heurtons surtout à l'interprétation des durées d'usage et de résidualité des fragments qui se trouvent inclus dans les remblais. Dans les cas les mieux documentés, on ne peut avoir au mieux que des bornes chronologiques après lesquelles ont été construits tel ou tel mur de telle ou telle maison. Donc la part d'interprétation personnelle de chaque auteur est grande, d'autant plus grande que les traditions et des écoles de pensée s'affrontent. Cela explique des variations considérables de chronologie et des polémiques durables. Au total, et avec les réserves que je viens de faire, il me semble que si les maisons à Salamanque et à la grecque datent de la première moitié du IIIe siècle, il me paraît difficile que les maisons à Atria soient exactement contemporaines. Je crois donc qu'elles sont plus tardives ou plus tôt de la seconde moitié du IIIe siècle. Le forum lui-même existe et il était probablement déjà doté de boutiques qui ont été reconnues sur son côté est, mais dont la chronologie là aussi est imprécise car les fouilles remontent à 1941 et donc aux travaux d'Amedeo Maiori. Dans son article donc de 1941, Maiori les datait, de même que les demeures dont elles constituaient la façade, du IVe ou du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Sept boutiques furent dégagées en 1935 sur le côté est du forum. Elles étaient construites en blocs de calcaire, notamment de remploi, mais ce n'est pas la même dimension que les grands blocs qui semblent récupérés dans les remparts. Et ils sont aussi construits en fragments de lave tendre. Dans leur phase finale, à tout le moins, ces boutiques comportaient des citernes et de nombreuses cuves, vasquettes, nous dit Maiori. L'appareil des façades n'est pas homogène. On trouve de l'opus quadratum dans la boutique 4, de l'opus africanum dans la boutique 5, etc. D'autres boutiques, en partie en opus africanum, se trouvaient sur le côté ouest et furent démolies lors de la construction de la basilique. Du point de vue de la chronologie, la seule certitude est donc que ces boutiques étaient en fonction pour les unes sur le côté ouest jusque dans la seconde moitié du IIe siècle et pour les autres, le côté est, jusqu'au premier siècle avant Jésus-Christ puisque ce sont ces dernières qui furent détruites pour laisser la place à l'édifice de Maquis. Mais leur construction elle-même pourrait effectivement remonter plus haut, probablement dans le IIIe siècle, elle serait alors contemporaine de certaines des maisons à façade en grand appareil de calcaire, bien que, comme nous venons de le voir, elles aient été construites avec des blocs plus petits ou en opus africano. Notre cinquième phase, qui couvre donc la période hellénistique récente, du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la guerre sociale de 89 avant Jésus-Christ, et qui commence par une quatrième phase des remparts, à une date qui n'est pas encore fixée avec précision, mais qui pourrait coïncider avec les opérations militaires de la Deuxième Guerre punique, à la fin du IIIe siècle, le rempart fut reconstruit, rehaussé, et doublé d'une courtine en bloc de tuf volcanique. En effet, Hannibal assiégea et détruisit partiellement la ville voisine de Nocera en 218 avant Jésus-Christ, alors que Pompéi, resté fidèle à Rome, put lui résister. Plus tard, au cours d'une cinquième phase des remparts, vers la fin du IIe siècle, des tours en opus incertum furent ajoutées pour améliorer la défense des poternes et des portes. Ainsi, la porte d'Inole fut reconstruite par le Medix Tuticus Venidius Popidius en opus incertum. Elle fut flanquée d'un nouveau bastion et couverte d'une voûte dont la clé porte un buste de Minerve, mettant la porte qui s'appelait Verru Urublanum sous la protection de cette divinité. La quatrième phase des remparts, celle apparemment à tuf volcanique, est à peu près contemporaine de la construction de nombreuses maisons, phénomène qui témoigne d'un incontestable essor démographique. On en a cherché la raison dans les événements historiques tels que la destruction partielle de Nuceria par Hannibal, mais c'est plus probablement un accroissement naturel dû à l'immigration rurale dans une phase marquée par la prospérité agricole dont témoigne le manuel d'agriculture de Caton, qui, écrit au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, montre l'essor de l'agriculture spéculative fondée sur des productions rentables telles que le blé, l'huile et le vin, et le rôle considérable que jouent les villes en tant que marché pour les produits agricoles et lieu d'achat d'outillage pour les agriculteurs. Ce rôle est encore plus important lorsque ces villes sont des ports maritimes et fluviaux où le grand commerce méditerranéen peut se déployer. Pompéi, au débouché de la vallée du Sarne, en bénéficie pleinement, comme l'explicitera Strabon un siècle plus tard, au livre 5, paragraphe 4. Et des commerçants, installés dans la plaque tournante du commerce oriental que devient alors Délos, sont dans la Méditerranée orientale. Certains de ces commerçants sont originaires de Pompéi, ce qui montre l'étendue des relations commerciales. C'est d'ailleurs à partir du début du IIe siècle que se répandent plus largement à Pompéi les maisons à atrium. Nous avons vu qu'elles apparaîtraient peut-être dans la seconde moitié du IIIe siècle, voire un peu plus tôt, mais c'est une question très débattue. Je vous ai dit que je ne croyais pas à la datation de la maison des Cenciati, j'ai des doutes sur un certain nombre d'autres. Et donc, nous attendrons sur ce point des confirmations. Ces maisons, donc à Atrium, manifestent une adaptation à de nouvelles formes politiques et culturelles caractérisées par la réception par les chefs des grandes familles de leurs clients qui viennent saluer le maître de maison le matin et lui manifestent ainsi leur dépendance et leur soumission. Ce phénomène d'adaptation de l'architecture domestique au rôle politique qu'entend jouer le propriétaire a été particulièrement étudié par Andrew Wallace-Adril dans un article paru dans les Papers of the Business School at Rome en 1988 et surtout dans son ouvrage « House and Society in Pompeii and Herculaneum » paru en 1994. Wallace-Adril a montré que la compétition entre les aristocrates impliquait la nécessité de s'affirmer par leur faste et leur luxe, notamment celui de leur demeure. Cette démarche a d'ailleurs été bien explicitée dans Cicéron, dans le De Officiis, livre 1, paragraphe 138, quand il écrit que le plan de la demeure doit être tracé en vue de l'usage qu'en fera le propriétaire, et qu'il faut veiller à ce que la demeure d'un homme public soit adaptée au rôle politique et social de celui qui l'habitera, afin, dit-il, que la demeure vote en quelque sorte en faveur de son propriétaire, qui est évidemment candidat aux élections pour devenir magistrat. Or, cette culture sociopolitique caractéristique de Rome et des cités italiques avait adopté le plan canonique de la maison italique, probablement d'origine étrusque, puisque les plus anciens exemples sont connus à Roselle, en Étrurie et à Rome, et qu'ils remonteraient au VIe siècle. L'atrium sert alors de pièce de réception des clients qui viennent donc manifester leur fidélité et recevoir leur sportule qui est la reconnaissance symbolique de cette fidélité. À Rome, les maisons Atrium Tuscanicum sont certainement attestées au moins au IIIe siècle autour de la place du Forum, notamment dans la demeure des Scipions. Ce modèle de maison trouve sa diffusion massive dans les colonies fondées au lendemain de la conquête de l'Italie du Sud, au début du IIIe siècle, et à Cosa, au début du IIe. Le rôle social et politique de ces demeures aristocratiques ne doit cependant pas occulter leur fonction économique. Ces maisons sont presque toujours pourvues en façade, de part et d'autre de l'entrée, de boutiques et d'ateliers, soit exploitées directement par des dépendants du maître de maison, qu'ils soient esclaves ou affranchis, soit louées à des particuliers eux-mêmes, qui peuvent être eux-mêmes affranchis. Et c'est un modèle qui est tout à fait courant dans Pompéi et d'ailleurs dans toutes les villes italiques de cette époque. Dans tous les cas, et c'est particulièrement net pour les maisons le long de la Via Consulaire, de la Via d'Inola et sur le Forum, il s'agit pour l'élite foncière de tirer profit de ses propriétés urbaines bien placées, comme elle tire profit de ses propriétés agricoles. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point. La ville de Pompéi se couvre donc de maisons à atrium au IIe siècle, et les anciennes maisons samnites à Salamanque sont alors détruites et remplacées par ces mêmes maisons à atrium, luxueuses, et occupées par des aristocrates dont certains sont connus. Nous voyons, et ils décorent leurs maisons dans le premier style pompéien. Des grandes familles telles que les Erénii, les Olconii, les Popidii, les Trebii, les Saderii ou les Sporii dominent alors la vie politique et habitent les plus riches demeures. La maison du Faune, la plus grande de Pompéi, est conçue comme un palais décoré d'œuvres d'art, dont la célèbre mosaïque de la bataille d'Issos montrant Alexandre et Darius, et on y trouvait des allusions évidentes pour tous les visiteurs aux origines quasi divines de la famille, car les Saderii prétendaient descendre des satyres, ce qui explique évidemment la présence d'une statue de Faune, et ce qui explique aussi l'existence d'une mosaïque montrant l'accouplement d'un faune et d'une faunesse, qui est le moment fondateur de la famille. Ces représentations à clé et ce luxe étaient destinés à asseoir leur autorité sur la population et à favoriser leurs élections à la plus haute magistrature de la ville. Les grandes familles romaines ne procédaient pas différemment. Les Iulii prétendaient descendre de Vénus. Et jusqu'à la guerre sociale, Pompéi était gouvernée par un médix, un juge assisté par deux magistrats dont les fonctions et titres sont copiés de Rome, le quaestur et l'aedilis. Il existait aussi une assemblée du peuple et un sénat. D'autres maisons à atrium, nettement plus modestes, notamment celles qui ont un atrium couvert, devaient appartenir à de petits propriétaires qui restent mal connus, faute de sources les concernant. En même temps que l'architecture privée se monumentalisait, pour que les notables puissent tenir leur rang dans la vie publique locale, la ville elle-même se dotait de monuments nécessaires au développement de sa vie politique. D'abord la place du Forum, qui était le lieu de l'Assemblée des citoyens et du marché périodique, mais aussi des jeux athlétiques et des combats de gladiateurs avant que l'amphithéâtre ne soit construit. Puis la basilique et le marché permanent, ainsi que la palestre et les temples, notamment le temple d'Apollon. Le Forum fut restructuré vers la fin du IIe siècle. On construisit sur le côté occidental un portique à un étage d'ordre dorique. Et c'est vers la même époque que fut édifié le temple de Jupiter qui occupe le fond de la place. La cella contenant la statue du dieu était précédée d'un pronaos de six colonnes corinthiennes et un autel se trouvait au bas de l'escalier. La basilique fut dégagée en 1813-1814 et on sut dès cette époque qu'elle existait déjà en 78 avant notre ère car une inscription peinte sur l'enduit mural indique la date consulaire de cette année. Mais la datation de la construction dans le dernier quart du IIe siècle avant Jésus-Christ fut acquise par des sondages de Soliano en 1909 et d'Amedeo Maiori entre 1929 et 1951. Il s'agit d'une vaste salle divisée en trois nefs par deux rangées de colonnes à chapiteaux corinthiens et les murs sont décorés de peintures du premier style. De l'autre côté du forum, au nord, le marché fut construit à peu près à la même période. Il comportait un portique en tuf sous lequel s'ouvraient des boutiques de denrées alimentaires et sur le côté est, de grandes salles qui devaient déjà avoir une fonction religieuse, mais également commerciale. C'est là qu'on devait vendre la viande des abattages rituels, à l'occasion des sacrifices. Dans l'angle sud-est du forum, Un portique fut construit pour servir d'abri aux audiences judiciaires, comme le montrent les inscriptions en osque, et à cette phase remonterait aussi l'édifice communément appelé comitium, mais qui pourrait être en fait le diribitorium, c'est-à-dire l'endroit où se déroulaient les opérations de comptage des votes et de proclamation des résultats lors des élections annuelles des magistrats. Autour du forum, deux temples importants furent alors édifiés, celui de Vénus et celui d'Apollo. Le temple de Vénus, situé en bordure du plateau basaltique, dominait la plaine et la mer. Il a souvent été fouillé depuis 1852 jusqu'aux fouilles des années 2006 et suivantes. Dédié à Vénus Physica Pompeiana, c'est-à-dire à Méphitis Physica, garante des pactes avec l'au-delà et protectrice de la navigation, le sanctuaire existait déjà depuis le deuxième siècle au moins, au témoignage des objets cultuels retrouvés dans les bâtiments détruits lors de la construction du temple entouré d'un portique dans la seconde moitié du deuxième siècle. Quant au sanctuaire d'Apollon, qui comprenait un temple périptère construit probablement dans la première moitié du deuxième siècle et entouré d'un portique à colonne ionique, sa datation a fait l'objet de longs débats. Le sanctuaire fut dégagé en 1817 et à nouveau à la fin du XIXe siècle. Mao le datait du IIe siècle. Des sondages profonds furent effectués par Mayuri en 1931-1932, puis en 1942-43, et il aboutissait aussi à une datation dans le IIe siècle, mais nous avons vu que nous n'avons guère confiance dans ses méthodes et ses résultats. Les fouilles réalisées en 1997 par Dobbins et en 1998 dans l'enceinte du temple par une équipe anglaise ont au contraire conduit à proposer d'abaisser la datation de sa construction à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, et notamment à la suite d'un article paru dans l'American Journal of Archaeology en 2000 qui s'appelle « The Sanctuary of Apollo à Pompeii, Reconsidering Chronologies and Excavation History ». Le mur ouest de l'enclos et la colonnade auraient été en effet construits sur le comblement d'une citerne qui aurait été remplie à l'époque augustéenne. Le temple lui-même serait peut-être antérieur et contemporain des citernes. Pourtant, une base du portique sud du temple, qui fait clairement partie de sa phase originelle, porte une inscription rédigée en osque mentionnant le consul Lucius Mummius, vainqueur de Corinthe en 146 avant Jésus-Christ. Mummius avait offert à Pompéi, comme un certain nombre de villes italiques, des statues prises sur le butin de Corinthe pour témoigner de leur fidélité aux entreprises de conquête menées par la République romaine, notamment à l'occasion de la guerre en Achaïe. Et je vous renvoie au stratagème de Frontin, livre 4, paragraphe 3, qui dit: après la conquête de Corinthe, Lucius Mummius orna du butin non seulement l'Italie, mais aussi les provinces avec des statues et des peintures. L'inscription doit donc être datée des années 144-142, c'est-à-dire entre le triomphe de Lucius Mummius et sa censure. Cette découverte donne la preuve définitive que le temple et son portique existaient déjà au milieu du IIe siècle, ce qui s'accorde bien avec ce que l'on sait de l'évolution architecturale. On voit donc que l'interprétation des stratigraphies, même des fouilles les mieux conduites, doit prendre en compte tous les éléments, surtout dans une zone qui a été perturbée à plusieurs reprises par des fouilles mal conduites commencées il y a près de 250 ans. Collège de France et France Culture vous présentent Jean-Pierre Brun, le développement urbain de Pompéi de la fin du 3e au 1er siècle avant notre ère. Autour du forum triangulaire, donc qui se trouve dans la partie sud de la ville, se trouvaient des installations sportives destinées à l'entraînement de la jeunesse aristocratique, qui se rencontraient à la palestre samnite fouillée entre 1768 et 1798. Elle fut construite par le questeur Vibius Vinicius, avec une somme d'argent laissée par testament à la Verrea de Pompéi, c'est-à-dire à une association aristocratique de jeunes guerriers. C'était une cour entourée d'un portique dorique en tuf et sur lequel donnaient des pièces utilisées comme vestiaires et salles de décrassage dans lesquelles donc les athlètes se préparaient ou se nettoyaient après l'exercice. Sur une base était érigée une statue du Doryphore qui symbolisait la jeunesse guerrière des Samnites. Un tel monument montre l'adhésion de l'élite samnite de Pompéi aux valeurs aristocratiques grecques pour la formation des jeunes hommes et donc des guerriers. Se trouvaient réunis, en fait, dans ce secteur au sud de Pompéi, outre le théâtre qui est construit à cette époque-là, des thermes d'époque républicaine, la palestre que nous voulons de voir, et un certain nombre de sanctuaires, dont le sanctuaire d'Esculape. Cet ensemble, destiné aux loisirs, fut en effet complété par la construction donc du théâtre, implanté sur le flanc de la colline, entre le forum triangulaire et la palestre samnite. Ce premier monument, édifié vers la fin du IIe siècle, comportait des gradins en tuf et en calcaire, et à la même époque pourrait remonter, mais ça se discute, un premier temple d'Isis, mais est certainement la première phase du temple d'Esculape, ouvrant sur la Via Stabiana, l'autel en tuf qui le précède est attribuable à cette phase. Enfin, d'autres termes, ceux de Stabie, par exemple, sont édifiés à cette même période. Une première phase est marquée par une rangée de pièces qui seront plus tard intégrées dans le grand complexe. Les ressources financières nécessitées par ces constructions publiques et privées provenaient d'une part de l'exploitation des terres agricoles entourant la ville et d'autre part de l'activité commerciale que les Samnites de Pompéi, à l'instar des Italiques en général, ont été en mesure de développer en suivant l'expansion de l'influence politique romaine sur la Méditerranée, surtout après la victoire sur Carthage, à la fin de la guerre contre Hannibal, et notamment en profitant du trafic du vin, dont les principaux débouchés étaient alors l'Espagne et surtout la Gaule indépendante. Au cours de cette phase, qui couvre le IIe siècle et la première décennie du Ier siècle avant notre ère, Pompéi était une cité indépendante, avec sa langue osque et ses magistrats propres, connus par des inscriptions. À ce titre, elle se révolta en 91 avant Jésus-Christ avec les Campaniens contre Rome qui leur refusait les droits civiques. La cité voisine de Nuceria, dominée par les Scythies, ne suivit pas le mouvement et resta dans l'alliance romaine aux côtés du dictateur Lucius Cornelius Sylla. La guerre dura 2 ans. Et après des succès initiaux, les Samnites, dirigés par Lucius Cluentius, qui s'était entouré de guerriers celtes, ces Samnites donc furent assiégés dans Pompéi, qui fut prise par les troupes de Sylla en 89. Les traces du siège sont bien visibles en plusieurs endroits, notamment près de la porte à Ercolane, où les projectiles envoyés par les machines de guerre romaines ont laissé de nombreux impacts. Certaines maisons furent d'ailleurs totalement rasées, et cela induit évidemment des reconstructions après la guerre, et on trouve fréquemment dans les niveaux de cette période des boulets de baliste et des balles de front en plomb. Certains Pompéiens étaient toutefois demeurés fidèles à Rome. L'auteur Velleius Paterculus mentionne par exemple Minatus Magius, qui se trouvait aux côtés de Lucius Cornelius Sylla. Ces fidèles à Rome et leurs biens furent bien entendu épargnés lors de la déduction de la colonie romaine qui suivit la guerre. Et nous arrivons donc à la sixième phase de notre histoire, qui est celle qui s'étend de la colonie romaine à l'époque d'Auguste. Au lendemain de la défaite, des changements très importants advinrent. Des changements institutionnels d'abord. Entre 89 et 80 avant Jésus-Christ, Sylla étant en Asie pour faire la guerre contre Mithridate, le pouvoir à Rome passa aux mains du parti populaire conduit par Cinna, qui était favorable à l'élargissement de la citoyenneté. La cité était alors gouvernée par des quatuor viri en tant que municipe. Mais au retour de Sylla d'Orient, en 80 avant Jésus-Christ, c'est une colonie appelée Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum qui fut déduite par son neveu Publius Cornelius Sylla. Elle fut dès lors dirigée par des duumvirs, assistée de deux édiles élus chaque année. Deuxième changement notable est un changement partiel de population. Une partie de la population, les révoltés, fut chassée et peut-être 4000 vétérans des armées de Sylla furent installés dans leurs propriétés. Ce qui veut dire que l'on leur donna des terres et des maisons dans le territoire de Pompéi. Évidemment, les propriétés qui avaient été prises aux révoltés. Mais comme les lots donnés aux vétérans étaient petits, la plupart d'entre eux les revendirent rapidement aux anciens propriétaires et partirent s'établir ailleurs, notamment en Afrique, suivant le comte d'Authière et Publius Sittius, qui était un voisin, si on peut dire, puisqu'il était originaire de la ville de Nuceria. Mais les Samnites, qui habitaient auparavant à Pompéi, n'accédèrent plus aux magistratures durant une bonne trentaine d'années, où la vie politique fut dominée par les colons romains, créant une rancœur dont Cicéron s'est fait l'écho dans le Procilla au paragraphe 60-62. Outre les colons sillaniens, l'époque tardorépublicaine vit l'implantation de chevaliers et de sénateurs romains. Cicéron lui-même possédait une villa à Pompéi et les Popaei à Oplontis, et nous verrons que ça a une histoire. Une importance pour la suite. Durant la guerre civile entre Pompée et César, Pompéi choisit le parti des optimates, ce qui explique la disparition après la guerre de certaines familles comme celle des Porcii, car elles s'étaient compromises avec le vaincu, Pompée le Grand. Le vide ainsi créé permet le retour au premier plan, après la guerre civile, des vieilles familles samnites qui avaient été souvent liées aux marianistes et aux populares, c'est-à-dire les Popidii, les Aleii, les Lassii, les Olconii, les Decidii, les Eumachii, etc. La compétition électorale était alors toujours aussi vive, ce qui explique la multiplication des peintures publicitaires invitant à voter pour tel ou tel candidat que nous voyons encore sur les murs de la ville. Mais je vous rappelle que cette compétition électorale n'implique en rien que Pompéi soit une démocratie, c'était une colonie dirigée par une oligarchie de propriétaires fonciers. Enfin, dernier changement majeur induit par la déduction de la colonie, ce sont les changements urbanistiques. Outre la réparation des remparts, on construisit de façon intense de nouvelles maisons, des boutiques et des monuments publics tels que, entre 89 et 80 avant Jésus-Christ, le portique sud du Forum, construit par Vibius Popidius, puis, dans les années 70, l'amphithéâtre et le théâtre couvert, Theatrum Tectum, peut-être sur une base plus ancienne. Ces deux monuments furent offerts par Marcus Quinctus Valgus et Marcus Porcus, deux partisans de Sylla énormément enrichis par la guerre. Selon Cicéron, Valgus était devenu l'un des plus riches propriétaires de la Campanie grâce aux biens confisqués aux proscrits. C'est ce qu'il rapporte dans la loi agraire, livre 3, paragraphe 2. De nouveaux thermes furent construits au nord du Forum, au début de la colonie, sur les deniers publics, par les Duoviri, Lucius Caesius et les édiles Caius Oxius et Lucius Neramius. Le tepidarium en était chauffé par un brasero offert par Numerius Nigidius Vacula avec les bancs de bronze qui lui étaient associés. Les thermes de Stabie furent mis au goût du jour après la fondation de la colonie en les équipant de salles sur hypocauste par les duumviri Caius Iulius et Publius Asinius qui mirent aux enchères la construction du Laconicum et du Districtarium, ainsi que la réfection de la colonnade et de la palestre. Des aménagements furent aussi apportés dans les temples. Dans celui d'Apollon, les Quatuor Viri érigèrent un autel et le temple d'Esculape fut notablement transformé par la construction d'une cella abritant les statues de culte en terre cuite. De nombreuses maisons furent alors redécorées et embellies dans la ville et hors de la ville. C'est au cours de la première moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ que se répand en effet le deuxième style de peinture, caractérisé par des mégalographies où des personnages en pied expriment un discours historique, comme par exemple dans la villa de Publius Fabius Sinistor à Bosco Real, ou des scènes religieuses, comme l'exemple du salon de la Villa des Mystères qui fut peint dans les années qui suivirent la déduction de la colonie, certainement à l'occasion d'une restructuration permise par un changement de propriété. Nous arrivons maintenant à la septième phase de notre histoire qui concerne l'époque d'Auguste et tout le premier siècle après Jésus-Christ, la première moitié du premier siècle après Jésus-Christ, jusqu'au tremblement de terre de 62 ou 63. Les lendemains de la guerre civile marquèrent un renouvellement qui se manifesta par l'apparition de nouvelles familles dirigeantes et de personnages qui jouèrent un grand rôle dans l'embellissement de la ville, tels Marcus Lucretius Decidianus Rufus, dont nous voyons une base de statues érigée sur le Forum, et Marcus Holconius Rufus. À la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, les frères Holconi, Rufus et Célère, offrirent de leur denier la réfection du théâtre en prenant comme architecte Marcus Artorius Primus, qui construisit la crypta, le couloir entre la media et la summa cavea, l'agrandissement de la cavea, et en remplaçant les gradins par du travertin. Dans les termes du Forum, le caldarium fut orné d'une vasque en marbre sous le duumvirat de Cneius Medicius Aper et de Marcus Taius Aper en 3-4 après Jésus-Christ. Plus tard, de nouvelles familles, les Elvii, les Coelii, les Aleii, les Tullii, intégrèrent l'élite sociopolitique de la cité. Parmi eux, Marcus Tullius fit construire à ses frais et sur sa propriété, lors de son augurat, le temple de la Fortune Auguste. Fouillé entre octobre 1823 et février 1824, il a fait en 2010 l'objet de fouilles stratigraphiques de la part de William Van Andringa et de son équipe. Ce temple corinthien, pseudo-péritère à revêtement de marbre blanc, fut inauguré en 3 après Jésus-Christ, selon l'inscription CIL 10-820. Bien que construit par un privé et contenant une statue de Marcus Tullius aux côtés des statues divines d'Auguste et de la Fortune, le culte fut considéré comme public et intégré dans le calendrier de la cité. Il était desservi, et c'est important pour notre propos futur, par des ministres du culte nommés par la cité parmi les esclaves prometteurs, c'est-à-dire ceux dont on pouvait penser qu'ils s'intégreraient, ou en tout cas leurs descendants s'intégreraient, dans les classes dirigeantes de la cité. Certaines femmes se présentent alors sur le devant de la scène sociale, la plus connue étant Eumachia, prêtresse de Vénus et de Cérès. Cette fille de Lucius Eumachus, riche propriétaire foncier et producteur de vin, d'amphores, de dolia et de tuiles, acheta et fit démolir les anciennes maisons et boutiques flanquant le côté est du forum pour édifier ce que l'on appelle l'édifice d'Eumachie, une sorte de petit forum impérial décoré de statues de héros mythiques de Rome et des membres de la famille impériale. Cet acte d'évergétisme était destiné à mettre en valeur sa propre famille pour pousser son fils vers les plus hautes magistratures. De nouveaux venus commencent aussi à apparaître dans les maisons relativement luxueuses et à travers l'épigraphie. Ce sont les affranchis. Certains de ces anciens esclaves, enrichis par leur travail ou par héritage, n'étaient pas, selon le mot de Paul Veyne, des parvenus, car ils ne pouvaient parvenir à l'élite sociale représentée par les magistrats. Mais la société leur faisait une place en tant que prêtres du culte impérial, ministri fortunae augustae, ministri augusti mercuri et maiae, et ministri augusti puis severi augusti. Ils représentaient la partie la plus dynamique de la population et nous les retrouverons dans toutes les activités économiques. Certains, enrichis par le commerce, se firent construire des tombeaux magnifiques tels que Munatius Faustus, Augustalis et Magister Pagi, nous dit l'inscription sur son tombeau, que son épouse, Naevoleia Tike, fit ériger et fit orner d'un bas-relief représentant un bateau rentrant au port, claire allusion à l'origine de la fortune, c'est-à-dire le commerce maritime. Un autre affranchi de l'époque de Néron, Caius Calvinus Quietus, fut honoré par les décurions, c'est-à-dire par le conseil municipal de la cité, d'un bisellium dans le théâtre, c'est-à-dire d'un siège d'honneur dans le théâtre. Les enfants de ces affranchis, lorsqu'ils étaient nés libres, pouvaient ensuite intégrer l'aristocratie locale, voire impériale. Le rôle d'évergète s'affirmera notamment après le tremblement de terre, entraînant une certaine mobilité sociale. D'autres équipements urbains furent érigés sous le règne d'Auguste. Comme la vieille palestre samnite ne suffisait plus, on construisit une grande palestre près de l'amphithéâtre, en application de la politique de l'empereur Auguste, qui réorganisa les activités juvéniles et sportives sous le patronage des princes de la jeunesse. Au centre de ce vaste édifice se trouvait un espace découvert de 1500 m2, avec une piscine au centre, une exèdre du culte impérial et des pièces pour se préparer aux exercices. Le Collegium Juvenum disposait aussi d'un vaste local sur la Via dell'Abbondanza, dans la région 3, îlot 3, numéro 6, décoré de grands trophées d'armes et abritant des armoires renfermant des armes de parade. À peu de distance, vers l'est, toujours sur la Via dell'Abbondanza, se trouvaient les bains de la jeunesse, ainsi que nous l'apprend une inscription, c'est bien pourvu d'un gymnase, était loué à une sorte de club aristocratique par la propriétaire Iulia Félix. La demande de la population augmentant, d'autres termes furent alors construits, comme les termes lusarno et les termes suburbains, construits au début du 1er siècle de notre ère. Ces derniers sont bien connus car la fouille est récente, exécutée entre 1985 et 1988. Ils sont situés hors les murs, près de la Porta Marina, et on y accédait par un portique trapézoïdal où un graffito indique que ces termes, comme tous les établissements de bains et toutes les tavernes, étaient un lieu de prostitution. D'ailleurs, les peintures à sujet pornographique de l'apoditerium des termes ne laissent pas de doute sur la fonction du lieu qui était doté de tous les équipements habituels à la pointe de la technologie et de l'appareil décoratif. Un événement, un fait divers, pourrait-on dire, se produisit en 59 après Jésus-Christ. À l'occasion d'un spectacle de gladiateurs dans l'amphithéâtre, une rixe éclata entre les Pompéiens et leurs voisins de la cité de Nucéria, cité qui venait d'être élevée à la dignité de colonie en 57. Jalousie et rivalité de voisinage ont dû servir de détonateur à cette bagarre qui fit plusieurs morts et de nombreux blessés. L'affaire remonta jusqu'au Sénat de Rome, qui décréta alors une interdiction des jeux pour 10 ans. La rixe est parfaitement représentée dans une peinture trouvée dans la région 1, sous la 3, numéro 23, où l'on voit l'amphithéâtre, la grande palestre avec sa piscine au milieu, et la place où eurent lieu les affrontements meurtriers. Du Collège de France, vous venez d'écouter Jean-Pierre Brun le 11 octobre 2016, le développement urbain de Pompéi du 3e au 1er siècle avant notre ère. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. L'archéologue a publié avec Xavier Fernandez Parfums antiques de l'archéologie au chimiste chez Sylvana à Milan. Et avec Martine Leguillou, les installations artisanales romaines de Sépinum, tannerie et moulin hydraulique au CNRS, collection du Centre Jean Bérard, numéro 43, en 2014. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Un grand merci à Annelise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Demain, nous poursuivrons l'histoire de l'évolution urbaine de Pompéi en compagnie de l'archéologue Jean-Pierre Brun. Et dans quelques instants, voici Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.